Allez. Ben aujourd'hui, je suis avec Benoît Guillot, capitaine de Suresnes, club de Fédéralin. Ben écoute, Benoît, je vais te laisser te présenter, ce sera peut-être plus simple. Ouais. Voilà. Alors, Benoît Guillot, 30 ans depuis peu, actuellement product manager dans la société Bisport, docteur de gestion, parce que j'ai fait une thèse qui portait sur l'appropriation des technologies dans le sport de haut niveau, et le rugby plus précisément. Voilà, retraité du professionnalisme depuis 2 ans et demi. Dernier club, c'était La Rochelle. Et donc, depuis 2 ans et demi, dans le club de Suresnes, oui. Qui depuis 2 saisons maintenant est en fédéral. Je commence par un peu comme j'ai commencé au rugby. Ouais, j'aimerais bien que tu présentes ton parcours. Ouais. Alors, commencé au rugby assez tardivement. J'ai fait beaucoup d'autres sports, notamment du hockey sur glace. Okay. Je suis arrivé au rugby, il y a des potes au collège, c'était très simple, hein. J'étais très très mature physiquement au collège, tous les autres y ont vu un intérêt et ça s'est vite goupillé comme ça. Moi j'ai tout de suite accroché, mon père avait joué au rugby mais c'est pas du tout lui qui m'a mis. Oui. Tu vois, le hockey sur glace en France c'est un milieu qui était un peu dur, tu vois, beaucoup moins sympa que celui du rugby et j'ai tout de suite accroché. Un peu malgré moi mais finalement j'étais compétiteur donc j'ai vite accroché les sélections, donc tu connais ça, hein, départemental, régional, mmh. Ensuite tu rentres en pôle espoir. Du coup, à quel âge tu commences toi? Je commençais vers 12-13 ans. Ok. Tu vois. Mais je faisais plein de sports, donc si tu veux, j'avais une agilité, un truc qui passait bien. Pendant 2-3 ans, en plus, j'ai fait les deux sports en même temps, donc là c'était quasiment en rythme sport-études, et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a évité de faire des conneries, etc. Pôle espoir à la Canale, donc là franchement c'était les années les plus studieuses. Bon, on a fait des conneries, mais vraiment très studieux. Au Stade Français, je tombe dans une génération de fous. Tous les Djibril Camara, Quentin Valençon, Alexandre Flancard, Rabah Slimani, enfin beaucoup de mecs, et Nicolas Bézi, beaucoup de mecs qui ont fait du haut niveau. Donc tout de suite tu prends le bon wagon, t'es dans les sélections, quand on est en sélection on casse la gueule à tout le monde. Enfin, c'était vraiment genre, moi je considère qu'une partie de la réussite vient aussi beaucoup de là, parce qu'en fait tu es toujours dans le bon wagon et tu fais partie de ceux qui réussissent. Bon, moi j'étais capitaine déjà à l'époque, tu vois, j'avais un peu ce leadership. Et évidemment, ça m'a quand même mis beaucoup en avant. À la fin du pôle espoir, je suis pas pris à Marcoussis parce que je suis trop petit. Donc, à 18 ans. À 18 ans, ouais. Voilà. Donc, premier coup de massue. En fait, c'est très drôle parce que si tu veux, moi, ma carrière, c'est systématiquement rattraper le dernier wagon. C'est toujours d'accord. La même chose. Même à la Canale, les premières sélections, équipe de France, c'est toujours pareil. Je suis mis à la porte, je reviens. Et en fait, c'est ce qui s'est toujours passé, quoi. Et en fait, donc pas de Marcoussis, mais finalement c'est une opportunité en or parce que c'est l'année 2007, Coupe du Monde, les rangs du Stade Français sont décimés. Oui. Donc en fait, sorti de la Canale, j'enchaîne sur une préparation d'été, ce que très peu ont fait, et je pars directement en stage et je fais les premiers matchs amicaux pendant la Coupe du Monde. Donc tu vois, à 18 ans, commencer à jouer en pro, notamment dans des grosses équipes, c'était un peu inespéré. À côté de ça, je commence une année à la fac, donc tu vois, je reste scolarisé, alors que si j'étais à la Marcoussis, ça aurait été plus compliqué. Donc une bonne année à la fac, je m'entraîne beaucoup, je fais vraiment des années, tu vois, je fais un peu le con, mais franchement à cette époque j'étais quand même vraiment vraiment sérieux. Je commençais à découvrir un peu la bringue, mais vraiment, tu vois, je pense que j'ai eu du retard de ce côté-là. Deuxième année, pareil, fin d'année, tu vois, il n'y a pas grand-chose qui vient, les pros, je réussis à avoir un appartement justement avec Quentin Valençon. J'avais pas de contrat espoir, tu vois, j'ai toujours un contrat aspirant, j'avais 600 euros par mois, enfin c'était quand même des années de galère. Mais finalement c'est l'année des moins de 20 ans où moi l'année des moins de 20 ans je savais qu'en moins de 19 j'avais fait une mauvaise année, ça allait être compliqué. Bon, finalement j'arrive à raccrocher un peu le truc, j'ai fait quelques matchs en pro et surtout avec les moins de 20 ans je profite un peu de la blessure de Wenceslas Loret et je fais le tournoi entier qu'on gagne. D'accord. Et je fais la Coupe du Monde où je joue un peu moins mais tu vois je suis quand même dans le truc et en fait à la fin de cette année là Mathieu Roure qui nous avait entraîné à moins de 19 fait toute une espèce de génération avec Elnès Gouroy, Raphaël Lacafia, Jean-Pascal Barat, Yvan Watremez, Wenceslas, Loré Obéo, okay. En disant genre il veut incarner les années suivantes du Biarritz Olympique et ça tombait sur nous, donc moi encore une fois je fais partie de ce truc là. Donc là tu pars de Paris? Je pars de Paris pour Biarritz, ouais. Et ça a été vraiment une super super opportunité parce que même tous les mecs, des mecs comme Romain Dibel qui était devant moi au Stade Français sont fait complètement enterrer. Parce que Paris te propose rien de particulier? Non, puis il y avait du monde, quoi, tu vois, il y avait des James Haskell, des mecs qui prenaient toute la place, donc il n'y avait pas de place pour jouer en pro. Et en fait, j'arrive à Biarritz, c'est pareil, tu vois, je fais une bonne prépa, j'arrive en retard parce qu'on avait fait la Coupe du Monde, mais pendant l'été, t'as Emmanuel qui a un problème de genou, Magnus Lund qui se vautre en scooter, Vaafolo qui a un problème de mollet, en fait, je commence la saison, tu vois. Donc, tu vois, j'étais en canne, mais toujours dans cette même dynamique de dire, ben, t'es là, tu bosses comme un con, mais bon, les gens ont besoin de toi, ils te font confiance et ça passe, tu vois. Donc en fait, le BO commence assez vite. La première année, tu vois, je fais une année chargée parce qu'en fait, on faisait vraiment des allers-retours entre pro et amateur, okay. Pro et espoir. Et à côté de ça, en fait, je fais une année, troisième année de licence à Assas, donc je bossais seul à Bayonne. Oui. Et je montais pour les examens à Paris. Et c'était vraiment compliqué, ah ouais. Tu vois. Franchement, c'était niveau scolaire, et c'était vraiment l'année la plus dure parce que fallait vraiment avoir du mental de bosser seul et tout. C'était une licence de sciences éco économétrie, donc okay. Beaucoup de statistiques et de mathématiques. Enfin, vraiment, c'était un blaireable. Mais finalement, pareil, ouais. c'est une année. Donc ça, c'est ma première année au BO. Je me blesse un petit moment parce qu'après rupture de gonzesse et tout. Enfin, tu vois, genre quand t'arrives à pas trop à gérer, donc un peu dur. Mais finalement, j'arrive à la fin de l'année en ayant beaucoup joué en espoir, champion de France espoir. J'ai beaucoup joué en pro, ouais. Notamment des bons matchs et tout. La dernière victoire à Clermont et tout. Donc cool. On repart sur la seconde année. Super prépa d'été, et en fait, moi, l'année, c'est un peu l'année où ça explose, c'est l'année où Serge Mias arrive. Oui. C'est, il me semble, l'année de la Coupe du Monde. Attends. Non, c'est pas l'année de la Coupe, c'est l'année du Monde, c'est l'année suivante. Mais pareil, tu vois, mon temps de jeu, il grossit, puis je prends mes marques, je me sens bien, je m'entends bien avec tout le monde, tu vois, je prends aussi un peu de leadership. Donc, on était vraiment, pour moi, j'étais vraiment dans une structure avec Mathieu Roux, notamment, qui était un peu central, point d'ancrage du suivi à la fois scolaire et. À la fois scolaire donc et sportif, boss qui du était, de formation. Ouais, exactement. Ouais. Et vraiment, c'était super intéressant. Il avait vraiment un pouvoir de nous pousser aussi par rapport aux pros. Donc top. Oui. Deuxième année, temps de jeu qui augmente et puis en forme et puis bien quoi, tu vois, genre en confiance et puis tu sens que les gens te font confiance, puis t'emmagasines de l'expérience, tu prends les matchs les uns après les autres, mais tu sens que t'es plus costaud, donc génial, tu vois. Puis moi, ça part vraiment dans la bonne direction. Je continue en cours à côté. Là, cette année, j'étais à Pau. C'était plus facile. Oui. Voilà. Fin de cette année-là, c'est l'année de la Coupe du Monde. Donc, encore une fois, le BO qui se vit la moitié de tous ces internationaux. Moi, je sais que je vais beaucoup jouer. Donc, j'ai tout choisi de faire une année d'études à Bayonne, revenir en management du sport pour encore en plus s'alléger et faire un peu plus de souplesse. Bon, ça rate pas, c'est une année qui est particulièrement chargée. On commence l'année en faisant que des défaites. On a un groupe de jeunes où c'est un peu les vieux qui tenaient le truc. On se casse un peu la gueule, mais pour nous, c'est une expérience en or. On enchaîne tous les matchs, on connaît la défaite. Donc vraiment, vraiment super positif. C'est l'année où je suis le joueur qui joue le plus en top 14. D'accord. En 2011-2012. Je finis l'année, donc je finis mon Master 2 Management du sport en parallèle. On est champion d'Europe à Amelines. Magnifique. Mais on est relégable, je crois, jusqu'à janvier. Et puis finalement, ça, la tendance s'inverse, on part dans la bonne direction. Donc, tu vois, encore une fois, ça, c'était ma troisième année au BO et c'est une année particulièrement riche. Oui. Et en fait, c'est un peu le point culminant du truc parce qu'après, tout se casse la gueule assez régulièrement. Je commence en parallèle à ma thèse de doctorat qui porte sur l'appropriation, enfin qui porte pas sur l'appropriation de technologie à ce moment-là, qui porte sur la performance. Moi je faisais beaucoup de mathématiques et de stats et je voulais l'appliquer en fait à ce que je voyais, tu vois, ce que faisaient les analystes en fait. Ils avaient des tableaux de données et je voulais les appliquer ça. Bon, ces deux années, les deux dernières années au BO, donc de 2012 à 2014, sont des années qui sont absolument horribles parce que c'est des années de maintien. Ouais. C'est des années aussi où on n'arrive pas à réaliser ce passage de témoin entre les jeunes et les vieux qui avaient tout fait, quoi. Tu vois, c'était les équipes de France, les 80 sélections et tout. Et il y a eu vraiment un espèce de gouffre qui s'est creusé. Et on n'a pas réussi à faire la transmission de témoin. Et ça a été dur. Tu vois, la première année en 2013, Wayne part au Racing. Donc les mecs commencent à partir, tu vois. Et là, tu te dis, putain, la génération justement qu'on devait incarner, ben là, c'est un peu compliqué. Et l'année 2013-2014 donc achève le BO qui le fait descendre en Pro D2 et tout le monde part. Et en fait, moi, jusqu'à la fin de la saison, si tu veux, j'avais rien. Et La Rochelle, qui monte en top 14, me sollicite en disant, notamment via Patrice Colazo, on a besoin de toi, viens nous voir. Et on tombe d'accord assez rapidement. Moi, le club, j'adore. Patrice, je tombe bien avec lui. Il voulait vraiment avoir un mec dans mon profil, tu vois, un peu de leadership et de l'expérience en top 14. Oui. Il s'avère que ça sera aussi un peu le tombeau, tu vois, parce qu'en fait Patrice avait une approche qui était assez restrictive par rapport au profil comme le mien. Tu vois, au final, il a beaucoup fait jouer de seconde ligne en troisième ligne et des 8 en troisième ligne. D'accord. Notamment elle. Donc en gros, des mecs grands, costauds et joueurs de ballon. Et en fait, des mecs comme des mecs de mon profil, si tu veux, un peu batailleur et tout, il avait Bautier au centre du terrain qui cassait tout. Et si tu veux, il avait pas besoin d'un mec comme. Oui, à l'époque, il jouait pas 7 encore. Non, non, il jouait pas 7 encore. Je sais pas s'il non, il avait pas fait de match en 7. Mais c'est, ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, si j'avais continué une année de plus, je pense que j'aurais pu beaucoup plus jouer que les années précédentes, parce qu'en fait, il y a une hécatombe en troisième ligne. D'accord. Qui était sûrement aussi peut-être un peu lié au fait que ça n'avait pas beaucoup tourné. Enfin, bon, tu vois, bon, c'est, encore une fois, c'est le truc du destin. Et en fait, ouais, c'est deux années. Si tu veux, la première année, je joue jusqu'à Noël, je fais tous les matchs à la maison remplaçant et à l'extérieur titulaire, mais on prend des branlés. Et en fait, à partir de janvier, il coupe le groupe en deux, il prend 25 joueurs. Donc moi, j'étais toujours 24e, c'était absolument infernal. Et en fait, le groupe ne bouge plus, quoi. Donc on faisait mise en place la semaine, tu vois, on bossait pas. Enfin, on bossait pas, on bossait comme de cette façon-là. Et c'était, voilà, la première année est vraiment pénible. Donc je lui dis, ben, à mi-saison, je pense que je vais partir, tu vois. Je vais aller voir un petit peu ailleurs. En fait, ça se fait pas, il me dit qu'il a besoin de moi, il me compte sur moi et tout. Bon. Et en fait, la deuxième année est encore pire que la première. Je traîne tous les matchs amicaux. Premier match de la saison, je joue pas, je joue 10 minutes, je pense, le quatrième match. On commence la Coupe d'Europe. On va jouer à Worcester. Et moi, c'est une période un peu dure, tu vois. C'était pendant les attentats. J'ai des amis qui ont été touchés. Tu vois, c'était pas forcément le meilleur truc. Je jouais le lendemain et tout. Et en fait, je me pète sur ce premier match, je me pète une côte. Donc, je suis un mois out. Et en fait, à partir de là, j'ai quasiment plus joué, quoi. J'ai dû faire un match de challenge et. Donc j'avais vraiment plus ma place, puis je jouais avec les espoirs, et en fait, surtout, j'ai avancé ma thèse incroyablement, tu vois. Oui. Si tu veux, ma thèse, elle a consisté à faire des entretiens avec tous les préparateurs physiques, les managers, les entraîneurs, directeurs généraux, et quelques universitaires anglais qui travaillent sur la performance et les données. Donc j'ai récolté une quarantaine d'entretiens, et c'était génial, quoi. Oui. En fait, tous les week-ends, donc Patrice l'a su un peu tardivement, mais... Si tu veux, quand les équipes venaient à La Rochelle, moi j'allais voir les mecs, tu vois, j'allais les rencontrer. Donc c'était un cadre tout à fait académique, mais si tu veux, c'était très intéressant parce que j'ai recueilli des témoignages, des trucs, en plus de plein nationalité, parce qu'en fait en France, il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers et c'était très intéressant d'échanger un peu avec tout le monde, de voir un peu les sensibilités, de voir quels étaient les freins ou les accélérateurs de la capacité à intégrer de nouveaux outils donc technologiques dans leur processus d'entraînement et de performance. Donc voilà, donc en fait, c'était vraiment une période très très dure où je jouais pas. J'étais complètement mis de côté. Toi, tu gagnes quand même pas mal d'argent à ce niveau-là. Et moi, je sais que j'ai très très mal supporté le fait. C'est particulièrement horrible à dire, mais j'étais mal, si tu veux, de gagner de l'argent à rien faire, quoi. Et puis tu te sens tellement inutile. Tu vois, je veux dire, un matin, je me suis pas réveillé. Mais pas de beaucoup, tu vois, j'ai raté le truc. Et en fait, personne se rend vraiment compte de ton absence, tu vois. Et moi, les mecs avec qui je m'entendais bien, tu me dis, mais t'étais où et tout. Donc, mais si tu veux, il n'y a aucun mec du staff qui vient me voir, genre, t'étais où et tout, tu vois. Et en fait, tu te dis, genre, ouais, ben là, c'est chelou, tu vois. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'à la fin de la saison, jusqu'à un moment, j'avais un club anglais, tu vois, des trucs comme ça qui attendaient de tomber. En fait, en juin, tout est tombé à l'eau, mais vraiment. Et j'avais plus qu'un club de Pro D2, tu vois. Et j'étais vraiment à la croisée des chemins. J'étais là, putain, qu'est-ce que je fais et tout. Est-ce que je me mets en stand-by? Est-ce que je laisse des gens décider un petit peu pour moi? En fait, j'ai fait revirement de situation et je suis rentré à Paris. Toute l'année, j'ai rigolé avec mes potes de Suresnes en disant hey, je suis là l'année prochaine, mais en fait, ben, et je les ai appelés, je leur ai dit ben, ouais, je pense que je suis là l'année prochaine, quoi. Et on me dit non, mais tu déconnes et tout. Et je dis ben, non, franchement, j'ai rien, j'ai ma thèse à finir, j'ai plein de trucs, et puis voilà, à un moment donné, tu prends les choses en main. Ce qui est très particulier quand tu es joueur, c'est qu'en fait, les entraîneurs décident pour toi, quoi. Exactement. Tu vois, c'est. Moi, j'ai aucun regret par rapport à ça parce que je me suis toujours filé comme un chien, j'ai toujours fait beaucoup de sacrifices, etc. Mais en réalité, le choix de quelqu'un peut orienter dans une direction ou dans l'autre et tu ne peux rien dire, quoi. Et c'est, je sais que je l'ai assez mal vécu au final et je me suis dit, et tout mon entourage aussi, mais aussi un petit peu poussé dans cette direction, de dire genre, voilà, tu vois, genre, tu t'es régalé. La réalité, c'est qu'en plus, moi, jamais j'aurais espéré jouer à ce niveau-là et aussi vite. Et en fait, c'est parti très vite dans une direction, et en fait, c'est parti très vite dans l'autre. Et puis voilà, c'est comme ça. Et puis, après coup, tu vois, moi, aujourd'hui, je me dis, déjà, j'ai une chance extraordinaire qui était de découvrir le niveau amateur avec mes potes, tu vois. Donc, c'est un bon niveau amateur, donc, que ce soit en fédéral 1 ou en fédéral 1. Mais si tu veux, tu vois, on a vécu des choses qui étaient incroyables. Et moi, ça m'a vraiment redonné goût au rugby parce que. Tu sais, j'ai beaucoup de potes de 27, 28 ans aujourd'hui qui arrêtent le rugby parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils y trouvent plus rien en fait, ils n'en trouvent plus leur plaisir. Tu sais bien que les discussions dans les vestiaires pro, ça ne vole pas très très haut tout le temps. Alors, tu as toujours des personnalités, moi j'ai beaucoup d'amis qui y jouent encore, mais la réalité c'est que un moment donné, et c'est la tendance quand même, ben, beaucoup de mecs ne trouvent plus forcément leur intérêt. Je vois le numéro 9 du stade français qui va repartir pour être fermier. Oui, exactement. Et en fait, on s'est éloigné de ça, quoi. Mmh. Tu vois, c'est assez drôle. Il y en a qui trouvent leur intérêt. Évidemment, il y a encore beaucoup d'argent et ça le fait beaucoup réfléchir. Et je fais partie de ces gens qui ont aussi beaucoup fait de sacrifices, qui ont réfléchi. Mais tu vois, j'ai eu la chance, tu vois, de redécouvrir ça à une période où j'étais en forme à Suresnes. Alors, effectivement, les 6 premiers mois étaient un petit peu difficiles, tu vois. Je sais pas si j'étais en dépression ou quoi, mais oui. tu te demandes un peu ce que tu fous là, tu vois, t'es là avant les matchs, tu te dis, et tous les gens te disent, ah, tu dois traverser le terrain. Bah, en fait, non, parce que le rugby est un sport collectif, et genre, c'est pas un mec qui va, tu vois, moi j'étais pas un Fidjien qui éteignait tout le monde, moi mon fond de jeu c'était la rigueur, c'était le volume que tu pouvais avoir, le fait de pas faire de faute. En fait, ça a moins de sens à ce niveau-là, parce que effectivement, à ce niveau-là, le jeu est un peu plus saccadé, etc. Mais bah, vraiment, je me suis régalé, tu vois, je suis dans une équipe encore une fois assurante qui m'a. J'ai retrouvé un peu l'essentiel de toutes les raisons qui m'avaient amené à faire ce sport et à faire du sport en règle générale. C'est-à-dire que c'est un peu tout ce qu'il y a en dehors du terrain aussi, tu vois. Le jeu est important et le plaisir que tu prends sur le terrain, mais aussi tout ce que tu construis autour. Et voilà, et c'est un truc que moi j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on a, en Fédéral 2, bon, on avait une bonne équipe, donc on est monté. La première Fédéral 1 est assez dure, mais finalement, il y avait encore la poule élite. Donc il y avait une ou deux équipes pro qui tapaient, notamment parce qu'on avait la poule du Sud-Est. Mais si tu veux, on a quand même réussi à faire une bonne saison et à gagner les matchs à la maison et à trouver une forme d'équilibre comme ça. Là, cette année, c'est beaucoup plus dur, d'autant plus que le club a un projet qui s'oriente dans une direction qui est encore une fois un peu plus axée vers le professionnalisme. Et en fait, ça remet beaucoup du socle de valeurs sur lequel on s'est construit en question. Il y a des choses qui sont un petit peu antinomiques avec le fait de vivre et de garder un peu cette légèreté. Des choses que moi j'ai eu du mal, hein, tu vois, les premiers entraînements quand je suis revenu à Suresnes, les ballons qui tombent, personne ne dit rien. Ouais. Et j'avais cette habitude, tu vois, d'avoir Patrice qui était un peu plus réactif sur la question. Et en fait, t'acceptes ça parce que, encore une fois, le sport ne devient pas un truc sur lequel t'es noté blanc ou noir, quoi. C'est un truc où t'es là pour rigoler, tu vois, t'arrives après le boulot, donc tout le monde a fait du transport et tout. Puis c'est un espace de liberté, c'est un espace de plaisir, et en fait, c'est ça l'essentiel. Et en fait, ben là, on retombe dans un truc où ben, l'essentiel, c'est la performance. On retombe dans un truc où, tu vois, c'est moi, c'est une réflexion que je me fais, c'est en fait le point de basculer, c'est pas forcément de gagner de l'argent, parce qu'on en gagne et qu'à un moment donné, c'est aussi cool de pouvoir gagner de l'argent. Le point de basculement, c'est quand la performance sportive devient le seul discriminant par rapport à la présence ou non du joueur sur le terrain. Et en fait, bah, des fois, tu as des joueurs dans des équipes qui sont là uniquement parce qu'ils apportent quelque chose et qui sont avec les potes, tu vois, ils font partie du groupe. Et personne ne se pose trop la question de savoir s'ils sont bons ou pas bons. Bon, il y a une question, mais on n'est pas dans ce truc de performance décortiquée et tout. Il y a quand même une forme de souplesse qui est quand même assez agréable, notamment à partir du moment où les mecs font des efforts et genre poussent ensemble, quoi. Et en fait, ben là, quand je parle de professionnalisme, je parle ça, quoi. Je parle à un moment donné où ben, t'es cuté ou t'es viré du groupe parce que tu remplis plus les trucs et que on est là pour la performance et rien d'autre, tu vois. Et effectivement, moi, ça m'interroge. Mais c'est marrant parce que cette interrogation, je ne l'aurais pas eue il y a 3-4 ans, tu vois. Et on est aujourd'hui dans une période où le rugby est grandement remis en question. Et je me rends compte que beaucoup de ces interrogations émergent, en fait, de ce simple basculement-là. Et du fait que on a vu le professionnalisme et on a conçu le professionnalisme un peu pour tous comme un exemple. Alors qu'en fait, le professionnalisme est profondément ancré, dans ses travers, tu vois, dans ses travers de la pratique. Moi ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui soient pro, je suis pas contre le professionnalisme, je suis contre le ruissellement, en fait, de ces pratiques là et de ces comportements qui sont pour moi tout sauf vertueux. Voilà. Alors avoir une équipe de France de très haut niveau avec des athlètes, je le veux, avoir un championnat de très haut niveau, vraie vitrine du rugby français où les mecs vraiment sont à la pointe de la pointe, je le veux et j'en rêve et c'est important de faire rêver parce que le sport pro est là pour ça. Mais que ça atteigne des divisions, tu vois, même la Fédérale 2, voire la Fédérale 3, même parfois en honneur, où tu vois, t'as des comportements de mecs, des étrangers ou pas d'ailleurs, hein, juste des mecs qui viennent un peu à l'autre bout de la France, qui sont un peu déracinés pour se retrouver à jouer au rugby, ben, j'essaye de trouver l'utilité de ce genre de choses, quoi. Et perso, actuellement, je ne les trouve pas et c'est compliqué parce qu'en fait, c'est ce qui se passe quand même assez régulièrement et c'est des comportements qui sont grandement répandus, quoi. Et aujourd'hui, en plus de ça, nous, équipe amateur, bon, jusqu'à maintenant, oui. Là, on joue contre des pros, tu vois. Enfin, tu vois, on va pas se mentir, on a joué contre Rouen, c'est particulier de se dire que ne serait-ce que si tu joues le dimanche, ben les mecs que t'es en face de toi le lendemain matin, ils seront en récup, ils pourront dormir jusqu'à 10h, toi tu seras au boulot quoi. Ouais. On a joué contre Bergerac le week-end dernier, franchement j'étais fracassé en deux. J'étais là lundi matin, j'ai pas parlé à grand monde dans la journée, tu vois, genre j'étais. Mais d'un autre côté, voilà, c'est ça, et je trouve ça cool, tu vois. C'est marrant parce qu'en fait, moi j'ai toujours vu les mecs comme des vieux cons, les gens qui tenaient ce genre de discours, tu vois. Genre, ouais, mais non, ils savent pas et tout, c'est comme ça, c'est l'évolution. Et en fait, maintenant j'ai l'impression que ça s'inverse, quoi. Genre, c'est plus les mecs qui ont 45, 50 ans qui me disent, ouais, mais de toute façon, c'est l'évolution. Je dis, ben non, justement, c'est pas l'évolution. Genre, la remise en question, elle est possible. Et le sport est justement là pour occuper et pour continuer à occuper un espace qui est basé sur le plaisir et des choses qui sont. Et des rapports qui sont humains. De bienveillance, où on n'est pas jugé sur des performances, sur des indicateurs, etc. En pro, et encore une fois, j'ai été le défenseur oui. de ça, tu vois, genre des indicateurs de performance, de réussir à discriminer, à décortiquer un peu la performance à travers plein de données et tout. Et j'en étais passionné, tu vois. Retrouver ce genre de fonctionnement-là en amateur, qui sont en plus souvent un petit peu approximatifs, ça commence à me donner un peu des boutons quoi. Tu vois, ouais. Parce qu'en fait c'est un ruissellement quoi, ce qu'on voit à la télé, on le fait pour le coup niveau. c'est un ruissellement qui fonctionne, tu vois. Ouais. Non, et puis même tu vois en fédéral 1 des mecs qui traversent la France, puis t'as des mecs qui font des carrières de fédéral 1, fédéral 2, tu vois, pro hein, ouais. En faisant que ça, et puis en arrivant à 30 ans il leur reste rien, donc c'est aussi une fragilisation quoi. Le fait de rentrer dans un moule complètement hermétique par rapport à la société, même dans, tu vois, genre, souvent quand t'es dans une équipe, ben c'est vrai que ça fait un truc où t'es un peu coupé du reste, et encore plus quand t'es en pro. Totalement. Et ben, c'est dur quand t'arrives à 32, 33, et que pour le peu que t'aies des enfants, une femme, alors si t'as une femme qui travaille, ça fera peu de stabilité, mais c'est pas le cas de tous, et tu te retrouves vite dans des situations qui sont même un peu graves, tu vois, et on n'en parle pas. Parce que ça fait pas arriver, parce que, alors oui, actuellement, comme le rugby est en grande remise en question, et qu'effectivement, tous les journalistes, bon, bah, effectivement, sont rentrés dans cette brèche-là, bon, bah, ils en parlent de plus en plus, mais c'est des situations qu'on montre pas, simplement parce que parfois, on n'a pas envie de le montrer, quoi. Tu vois, t'as envie de montrer quand tu gagnes, mais quand tu perds, bah, t'as envie de te cacher un peu, bah, là, c'est un peu la métaphore par rapport à la vie, quoi. Tu vois, tu te retrouves dans des situations qui sont pas mirobolantes, de doutes, de craintes, parfois de difficultés financières s'il y a des choses qui ont été un peu mal faites, et c'est grave. Et le sport ne devrait pas amener à ce genre de situation-là, tu vois, qu'elle soit physique, qu'elle soit d'ordre financier, etc., tu vois, sociale peut-être. Moi, j'ai vraiment une vision du sport qui est archi positive, quoi. Je considère que le sport a un rôle énorme à jouer, qui est extrêmement positif, tu vois. Genre, encore une fois, je me faisais la remarque à Suresnes, tu vois, t'as des mecs de l'Ouest parisien, t'as des mecs qui viennent du Nord de Paris, c'est des milieux culturels con, mais à des années-lumière, je pense qu'on serait même pas rencontrés si on n'avait pas fait du sport. Oui, sans rugby. Alors le professionnalisme, ben, ça te vient, c'est qu'en plus tu voyages, parce que tu rencontres des gens d'autres horizons, enfin, tu as des Fidjiens, t'es avec des gens, encore une fois, c'est... comment dire, construire ce genre de pont entre ces deux cultures, là t'es directement, quotidiennement avec ces gens-là, c'est quand même très riche, tu vois. Et au niveau amateur, c'est la même chose, quoi. Tu crées des liens avec des gens que tu n'auras jamais rencontrés autrement, et vraiment le sport, tout comme la musique, l'art, constitue un point de convergence énorme, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une chance, notamment dans une, encore une fois, dans la situation actuelle où la société est un peu plus, tu vois, compartimenté, où c'est un peu dur de sauter d'un milieu à l'autre. Le sport, d'une certaine façon, il casse tout. Il arrive à casser ses barrières. Alors, ouais. Je dis pas que c'est fantastique et que ça fait tout, ça résout tout d'un coup, mais en tout cas ça va dans la bonne direction, et c'est pour ça que moi je me bats pour ça. Et ça fait le lien aussi un petit peu avec la boîte pour laquelle je bosse, donc Bisport, en fait, si tu veux, c'est si les droits télévisuels ont créé une bulle complètement hermétique avec les sports pro, avec beaucoup d'argent, ils ont laissé tous les sports amateurs, les sports olympiques un peu de côté, notamment parce qu'aujourd'hui les associations sportives, donc tous les clubs, hein, sont un petit peu en difficulté, il y a un désengagement politique, tu vois, des financements, etc., parce que c'est un peu dur, donc tout le monde se retrouve un petit peu esselé. Et l'idée, en fait, c'est que le numérique a cette capacité de faire tomber la barrière entre le professionnalisme et l'amateurisme, et de tout mettre au même niveau. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est une plateforme tout sport, tout niveau, avec une entrée qui est d'ordre média, news, de résultats, etc., avec tous les contenus. Donc, c'est comme si on ratissait tous les articles de sport, encore une fois, tout sport au niveau, et qu'on les mettait au bon endroit. Et à côté, il y a tout un aspect de facilitation de la pratique, mise en relation des gens. Avoir un club amateur aujourd'hui, c'est grandement des problématiques de communication. C'est-à-dire, le terrain est fermé, le terrain est ouvert, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'on fait ce soir, etc. Et en fait, c'est des outils aussi de communication. Donc, c'est sous forme de plateforme sociale, parce que le sport est aussi éminemment social. Totalement. Mais une plateforme dans laquelle tu peux jouer au rugby dans une équipe amateur, suivre ton fils qui fait du handball, mais en même temps, sur le même calendrier, avoir le PSG qui joue et avoir du score en live à côté de toi, des scores de ton équipe. Tu vois. Donc avec tous ces outils de composition, ces outils de live scoring. Donc encore une fois, c'est le numérique qui donne à chacun finalement le pouvoir de réoccuper une place dans l'environnement du sport dans sa globalité. Avec en plus, bien évidemment, l'idée de créer aussi et de faciliter un peu le business model des clubs aujourd'hui qui est en grande difficulté. Parce qu'en fait, les clubs sont tous sur Facebook, Twitter ou même Instagram. Et en fait, toutes ces plateformes-là ne remplissent pas du tout le rôle qu'elles pourraient avoir sur aider et accompagner ces clubs-là. C'est-à-dire que c'est devenu des trucs absolument nécessaires, mais ils ne facilitent pas, en fait, tu vois. Et puis même, nous, ce qu'on veut, c'est que si à un moment donné, on a des besoins qui sont formulés de par les clubs, etc., ou ils veulent mettre en avant des sponsors, etc., ben, l'idée, c'est de les mettre en avant. Et le simple fait que, par exemple, Suren soit au même niveau que le PSG, oui. Et par exemple, les gens qui suivent le PSG puis suivent Suren, ça va augmenter l'audience de Suren. C'est-à-dire que ça peut potentiellement faire augmenter les revenus publicitaires, sponsoring, etc. Donc l'idée, encore une fois, c'est de tout cet argent qui a été accumulé sur le sport pro à la télé, ben, il est réparti un peu sur le reste. Et c'est super intéressant. Et après, moi, j'ai appris un métier ici parce que c'est le digital et t'apprends plein de choses. Donc à gauche, c'est plus côté développeur, à droite, c'est plus côté produit, design, UX, user experience. Et en fait, c'est drôle parce que moi, je suis curieux à la base et j'ai découvert aussi un truc sur lequel j'avais beaucoup bossé dans ma thèse. Tu vois, j'avais beaucoup bossé sur l'appropriation et la sensibilité des gens, mais d'un point de vue assez global, voire social, tu vois, en disant le socle culturel constituait un frein ou un facteur plutôt d'appropriation favorable. Et en fait, là, je travaille vraiment de manière micro sur comment concevoir des outils digitaux et c'est intéressant. Totalement. Voilà. Après, la Fédé, cette année, je suis passé à plein temps ici, donc j'échange un peu avec eux, mais je me suis un peu désengagé. D'accord. Sur le côté observateur du jeu. C'était intéressant, en fait, l'année dernière, j'ai un peu accompagné sur tout ce qui était suivi de la performance sur les équipes jeunes. Je servais aussi un peu de... Sur la technologie, on dit tout et n'importe quoi, et j'étais surtout là pour essayer de un peu désacraliser tout le discours qui se fait, parce qu'en plus il est complètement mélangé entre les gens qui veulent te vendre des trucs, entre des gens qui contrôlent bien, mais parce qu'ils ont fait des études pour les comprendre, et les entraîneurs qui bien souvent sont dans une forme de rejet parce que d'incompréhension, voire de peur. Et donc j'étais un peu là pour expliquer tout ça, faire l'interface avec les différents entraîneurs, parler le même langage qu'eux, parce que c'est super important. Et que bien souvent, tu vois, les analystes, tous les mecs qui sont très techniques et assez souvent cortiqués, ils ont quand même du mal, si tu veux, à trouver les bons mots pour faire comprendre aux gens du rugby. Hein. Et c'est absolument pas une question d'intelligence, quoi, c'est juste une question, encore une fois, de jargon. Ouais, de jargon. Et puis, c'est difficile de remettre en question des choses que tu as apprises d'une certaine façon. Tu vois, genre, moi, dans les entraîneurs pros que j'ai rencontrés, les mecs m'ont dit c'est cool, toutes les statistiques, etc. Mais d'un autre côté, si un mec est bon, je le vois, tu vois. C'est vrai, mais d'un autre côté, voir des choses que tu ne verrais pas à l'œil nu, c'est bien aussi. Parce qu'on sait très bien que nous, on est tous touchés par un biais qui s'appelle le biais cognitif, c'est-à-dire que tu vas penser qu'un mec grand et costaud va faire beaucoup plus de mal qu'un petit et tonique. Sauf qu'en fait, le petit tonique va bien, potentiellement être bien meilleur, et dans les statistiques, ça peut se voir. Ou en tout cas, dans les relevés physiologiques, etc. Et moi, c'est ce qui m'intéressait beaucoup, mais c'est un long travail. Mais il me semblait que c'était par rapport à ton profil aussi de joueur que tu avais eu. Oui, bien sûr, j'ai défendu un peu mon commerce. Hein. C'est vrai qu'à Biarritz, si tu te fiais uniquement au fait de renverser les types et casser la ligne systématiquement, moi j'avais pas des grosses stats. Par contre, je faisais deux fois plus de rugs que les autres et je faisais aucune faute. On n'a pas parlé de ton physique, mais t'es un troisième ligne plutôt trapu. Je suis 1m83, je faisais 100 kilos. Ouais. J'étais assez tonique, puis surtout je m'y filais, tu vois. Très bon dans l'aspect défensif. Ouais, tu vois. Et puis j'ai travaillé sur l'aspect offensif. Mais c'est marrant parce qu'effectivement, en France, contrairement à d'autres pays, et je pense, tu vois, bon, je vais pas me comparer à des grands joueurs, etc. Mais tu vois, dans les autres grands pays, tu as toujours eu le petit trapu qui était partout et qui, bon, aussi malheureusement, c'est bien souvent ceux qui physiquement ont le plus chargé. Donc je suis pas trop malheureux d'avoir arrêté un peu plus tôt, tu vois. Je veux dire, Pocock, il est fracassé. Heinrich Brusseau, il est fracassé. Tous les mecs, tu vois. Et je me dis, bon, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, etc., et que ça aurait pu repartir dans la bonne direction. Mais d'un autre côté, je suis bien à pouvoir continuer à courir et me dire qu'à 40 ans, je pourrais faire un footing plus de 20 minutes, tu vois. Bien sûr. Voilà, donc la fédé, c'était ça. Et le middle, bah ouais, il y a un an et demi, Léo Faure du Midi Olympique, qui doit être, je sais pas s'il est co-directeur, chef de rédaction, vient vers moi et on avait fait les Babas en 2015 en Argentine ensemble et il me propose cette chronique parce qu'il y avait eu un des mecs qui arrêtait. Ouais. Je me demande si c'est pas... merde, comment il s'appelle, le second ligne de Béziers, là. J'ai un trou. Ah, je vois pas en plus. On pourra cacher ça. Je vais être vexé. Qui avait arrêté, et en fait il me propose cette chronique et moi je savais pas trop. Bon, j'avais écrit ma thèse, tu vois, c'est quand même 400 pages, donc tu te prends un peu à écrire, tu vois. Et il me propose ça et je dis ok, je savais pas trop au départ, et en fait tu trouves un truc, et puis c'est marrant parce que c'est pas trop grand, et puis ça permet de faire un peu des mots d'humeur sur des sujets qui tiennent à cœur. Et c'est marrant parce qu'en fait j'ai beaucoup de retours aujourd'hui, des gens qui partagent mon avis. Alors, c'est un peu dur aussi de pas être trop être dans la redite et dans la redondance, exactement, tu vois, de pas se répéter. Mais ouais, je suis assez content, c'est un drôle d'exercice et c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Du coup, tu publies une fois par mois ? C'est une fois par mois. Ouais. Comment t'es mis en inspiration ? Bon, c'est les sujets du moment. J'essaye de pas avoir tu vois, c'est encore une fois, c'est une chronique, donc pas être trop dans l'actualité, parce qu'aujourd'hui, ce serait effectivement facile de descendre l'équipe de France, etc. Et encore une fois, je pense que le problème de l'équipe de France, il est vraiment systémique et c'est pas juste une question de choix d'entraîneur et de choix de joueur, il est beaucoup plus profond. Dans la structuration globale. Donc, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais tu vois, ouais, je parle de mon expérience, je parle de ce que j'ai vécu en tant que pro, je parle de ce que je vis en tant qu'amateur, et je trouve ça trop cool, tu vois. Après, c'est tout petit, hein, c'est vraiment, ça s'écrit. En plus, j'ai bien pris le coup, je pense, donc c'est marrant. Donc voilà. Les projets des années à venir, c'est. Voir si Bisport peut vraiment occuper la place qu'on aimerait qu'il occupe. Mmh. Donc c'est une plateforme gratuite, tu vois, c'est un truc vraiment positif de faire en sorte que on essaie de faire en sorte que les gens fassent plus de sport, ou en tout cas se retrouvent plus, ou le vivent de manière un peu plus enrichie. Je me suis pas encore prononcé sur le fait de continuer ou pas l'année prochaine, j'ai encore besoin de quelques informations. Ouais. Mais effectivement, ça laisserait du temps libre et il y a plein de trucs à faire, quoi. Il y a plein de trucs à faire. J'aimerais bien, pas forcément entraîner à haut niveau, mais tu vois, rester un peu sur le bord du terrain, continuer à transmettre, parce que la transmission, c'est quand même super important. Et tu prends du plaisir aussi, même d'un peu plus égoïstement, tu vois. C'est toujours assez satisfaisant, si tu veux, de partager un peu ce que tu as vécu. Et je dirais pas prêcher la bonne parole, mais en tout cas, essayer de faire en sorte que certaines erreurs ou certaines dérives soient évitées de par ceux avec qui tu es attachant, quoi, que tu côtoies, tu vois. Voilà. Ouais. Et j'aimerais revenir sur quelques événements de ta carrière. Dis-moi. Tu te rappelles là quand je t'ai rencontré en août après le match amical, je t'avais dit la première image que j'ai de toi, c'est quand t'es cadet et que tu fais le tour, le tour du Stade de France avec le ballon de match. C'est exactement ce que je te disais, c'est quand on avait cette génération de cadets. Et puis Max, en fait, c'était un petit souci aussi de communication, en disant c'est mes petits cadets et tout, tu vois. Mais il nous a fait vivre des trucs de ouf, tu vois. C'était les premières années où ils faisaient le Stade de France. Il nous faisait faire l'arrivée 2006, du ballon, c'était incroyable, tu vois. Ouais. C'était des années vraiment qui étaient particulièrement riches, parce que sur le terrain c'était génial, c'était un environnement. À cet âge-là, les parents peuvent être chiants, mais nous, il y avait un espèce de groupe de parents qui s'entendaient trop bien, tu sais, c'était vraiment positif. On avait des entraîneurs aussi qui donc je pense à Jean-Paul Dispan et j'ai un trou sur le nom de l'autre. Qui vraiment ont servi un peu de. Comment dire, ils ont ancré certaines choses, tu vois, nous tous, on en parle encore aujourd'hui, tu vois. Et ça c'est top totalement, ouais. Et ce tour de terrain en char avec ton ballon dans la main, mais c'était irréel parce que totalement, je sais que c'est marrant parce que t'avais 17 ans là, tout non pas du tout, on avait 15-16 ans, on était jeunes de fou, Ah, puis on se retrouvait au Stade de France 3-4 heures avant les matchs, on traînait dans les couloirs et puis ils nous filaient des tenues un peu pourries. Et moi je me rappelle encore, il me dit, Max m'avait dit t'inquiète, je te réserve un truc un peu croustillant. J'étais là genre wesh. Et en fait il me dit non, bah, tu vas monter sur le char avec le monsieur et tu vas faire le tour du terrain avec le ballon dans les mains. Mmh. J'étais là genre, tu sais, j'ai pas des grandes mains, ouais. Tu vois, genre tenir le ballon comme ça, j'aurais pu le faire tomber 100 fois. Ouais. Non, c'était vraiment drôle, quoi. C'était très très drôle. Ah ouais. Alors moi c'est l'un des premiers matchs que j'ai vu, enfin c'est un match que j'avais vu sur Canal, j'avais trouvé ça incroyable. Ah ben non mais Max il a quand même fait des choses phénoménales pour ce truc, tu vois. Ah ouais. Je veux bien te croire. Hein. C'était incroyable. Ouais. Et si t'avais pas fait quelque chose, enfin si t'avais fait quoi de partir de Paris là, alors que t'étais un minot du club. C'est très drôle parce que franchement pour tout te dire, ces années-là, moi je les ai un peu mal vécues là, les premières années de centre de formation. Ouais. C'était pas des années très très agréables parce qu'en fait j'étais à la fac, j'étais toujours en train de courir à droite à gauche. Entre entraînement et... Ouais, tu vois, c'était vraiment des années qui étaient dures. Et puis, je sentais qu'il y avait... Enfin, vraiment, quand je pars à Biarritz, c'est un peu ma dernière chance. Parce que je savais que j'allais pas jouer en pro. J'avais un peu grillé ma chance avec Mackenzie. De quelle manière? J'avais joué, mais j'avais pas été très bon. J'avais manqué un petit peu de dureté, tu vois. Comme qui est dû à l'âge, peut-être. Ouais, mais bien sûr. Mais si tu veux, j'ai manqué un peu le coche, quoi. Et puis, j'avais pas ce truc que d'autres avaient, physique ou... Tu vois. Et en fait, ce départ à Biarritz pour moi est salvateur parce qu'en fait tout va dans la bonne direction au moment. Puis tu sais, quand j'étais à Paris, je faisais du surf, j'arrive à Biarritz, c'est la ville du surf, j'habitais pas loin de la mer. C'était, franchement, je te jure, c'était un petit rêve quoi. C'était vraiment un petit rêve. Je dis toujours que j'ai eu beaucoup de cul, mais là en l'occurrence, c'était quand même, tu vois, c'était pas Aurillac ou Bourg-en-Bresse quoi, tu vois, c'était Biarritz quoi. Et effectivement, c'est des endroits où je dis pas qu'il fait pas bon vivre à Aurillac ou Bourg-en-Bresse, bien au contraire. Je viens quand même de ma famille vient de Saint-Etienne, donc c'est pas très loin. Et je, tu vois, mais Biarritz c'est quand même un endroit où t'as la mer, oui, où c'est cool, tu vois. Qui paraît paradisiaque. Qui est quand même assez agréable. Et non, vraiment, le départ de Paris s'est fait en plus très précipitamment parce qu'en fait j'ai signé. On rentre de la Coupe du Monde, je crois, fin juin. J'y vais pour signer mon contrat, donc je commence mi-juillet. Tout se fait super rapidement, tu vois. Ouais. Pas le temps de réfléchir. Non, mais justement, c'était trop cool, quoi. C'est une période, c'est des périodes, puis en plus, qui ont été complètement cruciales, quoi. Encore une fois, tous ceux qui sont restés au Stade Français, ils ont galéré de ouf. C'est des années où les entraîneurs d'une année sur l'autre viraient, avec une génération de joueurs un peu vieillissante, tu vois, donc sportivement un peu moins de dynamisme, un passage de témoin qui devait avoir lieu, mais c'était waouh, tu vois. C'était, moi, je regardais ça de Biarritz où c'était quand même un petit peu plus stable, même si on avait des changements d'entraîneurs et tout. Et puis surtout, je jouais quoi. Donc, tu sais, quand t'es joueur, quand tu joues, tu t'en fous de tout quoi. Totalement. Tu t'en as rien à carrer du reste. Hein. T'es là, tu prépares tes matchs. C'est jouissif, c'est des hauts et des bas quand même assez violents parce que des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien, mais c'est ton seul objectif quoi. Et là, en l'occurrence, j'étais dedans donc. C'est drôle. Et en quoi, là, avec le recul, qu'est-ce qui vous a empêché d'avoir la transmission entre les historiques de Biarritz? Et vous, la génération jeune, parce qu'aussi il y avait Quetelan en plus, Molcar qui était sorti. Ouais, bien sûr. Tous les noms que tu as dit tout à l'heure. Bon, je pense qu'il y a. Avec le recul. Je pense que. Comment dire, l'écart était trop grand. Tu vois, un écart de génération. Ouais. Puis même de conception, tout, de comment on vivait. Tu vois, nous on avait tous. On avait pour la majorité même pas de copines. Et eux avaient tous une femme et des enfants. Et en fait, on vivait pas pareil. Donc. Tout ce truc que tu crées autour, etc., ben on avait du mal, et en fait cet écart là c'est agrandi un petit peu, tu vois, dans peut-être personnellement entre certains joueurs, etc., et je veux pas revenir dessus, et en fait le tout mis bout à bout fait que ben, c'était compliqué. Et on vous mettait la pression pour qu'il y ait cette transmission aussi ou quoi? Non, mais ben, en plus c'était compliqué, c'est à dire que c'était des joueurs qui étaient tellement emblématiques pour le club que c'était dur à un moment donné de les mettre de côté, et j'imagine très bien, tu vois, pour n'importe quel entraîneur, quand t'as des joueurs qui ont 80 sélections et qui ont toujours joué dans le même club, ben effectivement, leur dire bah, tu vas te mettre de côté, tu vois, faut en avoir une paire, et même il faut le concevoir, tu vois, et dire que c'est une bonne idée. Ouais. Et ben c'est difficile quoi, c'est super difficile. De toute façon, encore une fois, à ce niveau-là, le plus important, c'est pas forcément les entraîneurs techniques, même si c'est important, c'est surtout les managers et qu'est-ce que tu fais des hommes en place, quoi. Et là, en l'occurrence, ben, ça n'a pas beaucoup fonctionné, tu vois. Ouais. Ah, c'était des périodes de difficultés, hein, c'était dur. Hein. Ouais. Voilà. Quand tu me parles de l'humain, là, j'ai préparé mon entretien là, avec toi. J'ai noté plein de trucs. Ouais, il nous reste combien de temps? Ouais. 10 petites minutes. Ouais, 10 minutes. Ouais. Voilà. Et t'avais mis ça dans un article sur un site qui s'appelle Analyste Performance, t'as mis. Le sport a besoin d'humains, de temps. Le problème, c'est que les clubs n'en ont pas. Ce dont ils ont besoin, eux, c'est de résultats. Alors ils travaillent sur le court terme. Ouais, bah ouais. Mais c'est la mort de tout. Mais c'est la mort du rugby, c'est la mort de. Dès que tu rentres dans ce processus-là, alors tu peux avoir des contraintes. Mais dès que tu acceptes, si tu veux, la contrainte qui ne s'inscrit que dans du court terme, tu peux rien faire. Parce qu'en plus, quand je parle d'humain collectif. Et que le rugby a, comme tous les sports d'équipe, si tu veux, ce concept d'expérience collective partagée. Et pour moi, il est crucial, quoi. C'est ce qui t'amène, à un moment donné, à ne pas forcément toujours adopter la politique de l'homme en forme. C'est ce qui t'amène à faire confiance aux gens. C'est ce qui t'amène à établir une espèce de confiance et d'échange en disant, ben voilà, je t'ai donné ça, je t'ai fait confiance quand ça allait pas trop. Maintenant, il faut que tu me le rendes. Et en fait, c'est ça le truc, tu vois. Et dans le sport, notamment dans le sport de combat collectif, et ça veut dire beaucoup de choses, c'est super important. Et aujourd'hui, le rugby a pris un parti qui est totalement différent. Sauf certains clubs, tu vois, comme Toulouse, qui a mangé sa merde les quelques années qui viennent de s'écouler. Et là, ils commencent à peine à en récolter les fruits. Et c'est que ça. Et genre, de quelle manière? Et franchement, je veux dire, les exemples, mais ils sont tellement nombreux dans le bon sens que dans le mauvais sens. C'est, je veux dire, l'équipe de France, aujourd'hui, sans faire de polémique ou quoi, la réalité, c'est que le turnover sur chacun des postes, mais énorme, énorme. Alors on peut dire ce qu'on veut, c'est des contraintes extérieures, c'est des choix, c'est des blessures, beaucoup de blessures, faut le dire. Mais la réalité, c'est que d'une année sur l'autre, là, je sais pas, la dernière fois, j'ai revu la composition de France-Écosse de l'année dernière, j'étais là genre, waouh. J'ai vu, t'as tweeté un truc aussi, l'Irlande. Genre, quand ils ont joué l'Angleterre, ils avaient 80% de mêmes joueurs que l'année dernière dans le squad des 23. C'est-à-dire qu'ils ont un truc où les joueurs se connaissent, ils créent un équilibre et j'y crois énormément. Honesta, c'est quelques années où vraiment ça fonctionne du tonnerre, etc. Bon, le règne. Il y a des points de rajustement, tu vois, quand il fait monter Karabacic, etc. Mais si tu veux, la réalité, c'est qu'il avait une continuité, quoi. Tu vois, c'était quand même quelque chose d'assez linéaire dans la gestion. Il y avait potentiellement des éléments qui venaient, qui repartaient, des blessures qui réorganisaient et qui induisaient quand même une forme de remise en place. Mais la réalité, c'est que c'était quand même assez dans la même direction, quoi. Et là, on a beaucoup de mal. Et même le rugby français, parce que les clubs, c'est quand même un peu les chaises musicales, hein, tu vois. C'est vrai. Et ça, je pense que ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et puis c'est ce qui... Enfin, tu vois, à partir du moment où t'as fait 3-4 clubs différents, le cinquième, tu dis, ben non, je reste là, quoi, genre, j'en ai plus envie, j'accepte un truc, j'ai envie de me poser, ça n'a aucun sens, au final. C'est vrai. Voilà. Enfin, moi, je suis en train de le vivre. Hein. Ouais, ouais. Moi, je suis parti de Toulon à 18 ans pour Montpellier, puis après, j'ai fait Aubenas, Albi, Rouen. Ouais, des endroits vraiment différents en plus. Hein. Ouais, et puis t'as les années où tu joues, t'en as d'autres où tu joues pas. Quand tu joues pas, en plus, tu sais que t'as le coup près qui arrive d'ici la fin de saison où tu vas devoir te tracer. Ouais. Tu sais pas où, t'as des doutes. Alors quand ça te concerne que toi et que tu vis de manière solitaire, ça va à peu près, même si c'est plus dur. Alors, en plus, quand ça concerne ta copine, tes enfants, tu vois, et que. Tu vois, c'est encore une fois, c'est des sacrifices. Alors quand c'est que toi, tu te les infliges à toi. Mais c'est aussi des sacrifices que tu peux infliger à d'autres personnes autour de toi et c'est super dur, tu vois. C'est super dur. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à La Rochelle au final, durant ces deux années où t'as pas été considéré? J'ai poussé mes limites, hein. Franchement, je te jure. Ouais. J'ai poussé mes limites. C'était parce que je suis resté sérieux, tu vois, j'ai bossé et tout. Ouais, je suis allé loin, hein, franchement. Non, j'ai appris. Ça a été une vraie réflexion sur le sport et sur la place que doit occuper le sport, tu vois, et puis. Bien sur l'environnement pro et de ce que vivent les joueurs en règle générale, parce que c'est violent, quoi. C'est violent de ouf, hein. Quand t'es vraiment mis de côté et que t'as plus ta place, quoi, en fait. Ouais. Je me rappelle un avant-match, j'étais 24e, encore une fois. Enfin, on en rigolait, tu vois, genre quand il y avait l'annonce du groupe, c'était horrible, ce truc, genre, t'es 24e, 25e, Benoît, je sais pas qui, tiens. J'étais genre, j'en ai chialé. Et en fait, avant un match, j'étais dans la salle de... Au début, je me préparais de ouf, tu vois. Je suis 25e, même, je peux rentrer, je peux avoir 3 minutes à jouer, tu vois. Genre. Après, à un moment donné, je me battais les couilles, franchement. Et j'étais dans cette salle de muscu, où on se préparait pour l'avant-match, et j'écoutais de la musique, et t'as Vincent Merlin, que j'appréciais énormément, et beaucoup, pour lequel j'ai énormément de respect. Et il vient me voir, il vient discuter, tu vois, il se met sur les tatamis et tout. Et, Et je lui dis, mais Vincent, enfin, je te pose la question, enfin, genre, qu'est-ce que je fous là, tu vois, genre, ouais. J'ai rien à foutre. Donc le président de La Rochelle. Ouais, ouais, ouais. J'ai rien à foutre ici, quoi. Ça n'a aucun sens, tout ça. Il dit, ouais, bah, après, lui, c'est tout à son heure. Il avait délégué tous les pouvoirs sportifs à Patrice Collazo, et puis il le laissait. Ouais. Moi, je trouve ça génial, cette organisation, parce qu'au moins, ça vient pas se mélanger. Et, voilà. Mais la réalité, c'est que c'est vrai que ça n'avait aucun sens, tu vois. Ouais. Et c'est dur, c'est des situations qui sont dures. Alors encore une fois, moi je me suis accroché à tout ce que je pouvais, et notamment à ce travail de thèse, que j'ai pu relancer parce que j'ai changé un peu le sujet, et j'ai trouvé des gens aussi qui m'ont vachement aidé. Notamment un mec qui s'appelle Jean Desmas, qui était un peu directeur de l'IAE, qui avait fait des travaux avec, qui a su finalement se mettre avec mon directeur de thèse, Christophe Benavent. Et ils m'ont accompagné finalement dans ce travail qui partait un peu de loin, tu vois, parce oui. que moi j'avais aucun background de chercheur vraiment. Et non, et voilà. Après, bon, bah, c'est effectivement à ce moment-là, tu vois, tous les week-ends, en gros, le mercredi, Patrice vient me voir, elle me dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire ce week-end? Je dis, bah, je vais faire autre chose, quoi. J'allais à Paris, j'allais. Tu vois, c'était une autre vie, quoi. Ouais. Et t'as pas eu l'impression qu'il avait quelque chose contre toi? Mais c'est ce que tu dis tout le temps, mais en fait, la réalité, c'est qu'il avait rien contre moi, tu vois. La réalité, c'est qu'il était dans son rôle de manager et qu'il prenait ses choix par rapport à ses priorités sportives. Et que je pense qu'il en était sincèrement désolé, quoi. C'est ce qu'il m'a dit et je le crois, tu vois, genre il me dit, ben, la situation est comme ça, et puis crois-moi, c'est des choix qui sont durs, moi je n'ai jamais été entraîneur, etc., mais je pense que c'est des décisions qui sont dures à prendre, parce qu'elles sont lourdes de conséquences, et elles ont été lourdes de conséquences. D'un autre côté, bon, ben, écoute, c'est comme ça, il m'a fait venir à La Rochelle, moi j'étais content de venir à La Rochelle, ça s'est fait différemment. Ouais. Ça, quand tu me demandes ce que j'ai appris sur moi, alors finalement, c'est juste que tu relativises par rapport à plein de choses, tu vois, tu te dis... Puis en plus, particulier quand t'es joueur, parce que t'es réellement malheureux, ouais. Mais tu te dis t'as pas le droit d'être malheureux. Totalement, parce que ton collègue il vit pas de ça. Voilà, exactement. Ah ouais. Tu vois. Mais d'un autre côté, tu te dis bon ben voilà, c'est la vie, et puis il faut avancer. Et puis voilà, et puis le fait de parfois toucher un peu le fond et d'être dans les moments difficiles, si t'en ressors à la tête haute, ben effectivement, c'est une armure supplémentaire pour la suite, tu vois. Et ça t'aide aussi à avoir le bon côté des choses, je pense. Enfin, moi je le vis comme ça, tu vois. Genre. Depuis que j'ai arrêté, vraiment, je te jure, je suis dans une phase où je me régale, je rencontre plein de trucs, je fais plein de trucs. La vie, elle est plus difficile, elle est plus fatigante, t'es un peu plus dans la réalité, on va dire, tu vois. T'es pas juste là à penser ce que tu vas manger pour être en forme et bien dormir. C'est vrai. mais c'est tout aussi bon, quoi. Ouais. Tu vois. C'est tout aussi bon parce que tu fais plein de trucs et moi, j'adore ça, tu vois. Ouais. Je vois ça. Ouais. Dernière question. Dis-moi. Aujourd'hui que tu as 30 ans, ouais. Tu dirais quoi au Benoît Guillot qui avait 20 ans? Bah franchement fais-le quoi, enfin, fais précisément comme tu dois le faire, genre je le remplacerai pour rien au monde. Non après tu vois moi j'ai eu le cul d'avoir un père qui m'a monté le cul pour faire des études initialement, et en fait ça m'a vraiment donné un équilibre, initialement c'était une contrainte mais après ça a été une chance, et non je dirais exactement la même chose, genre il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, t'aurais dû rester à Biarritz etc, mais genre jamais quoi. Parce que je savais que je voulais partir de Biarritz. Et que ça a été des décisions qui ont été difficiles à prendre. Mais de toute façon, avec les si, ça sert à rien. Tu vois, genre, j'ai vécu tel que je l'ai vécu. Et c'est une chance. Vraiment, c'est une chance. Parce que, tu vois, il m'est rien arrivé de grave. Et ça, c'est top. Ouais. Donc, voilà. Aucun regret. Bah non, surtout pas. Mm. Après, encore une fois, j'ai aucun regret. Parce que je me suis toujours filé comme un chien. Et que je me suis investi dans ce en quoi je croyais. Et ça permet, c'était aussi un peu le but, hein, tu vois, de le faire de cette manière-là. De se dire, ben, je le fais à 100%, au moins j'arrive au bout, si ça se passe mal, ben, j'aurais tout donné. Je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont des regrets par rapport à leur manque d'investissement, le fait de. Enfin, tu vois, genre de 20-25 ans, la vie étudiante, je me suis foutu au cul. Hein. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, je la vis différemment et je me régale. Alors forcément, j'arrive un petit peu en retard quand tous mes potes sont en train de faire des gosses, tu vois. Mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Genre, moi, ça me va très bien de faire un peu le con maintenant, tu vois. Et c'est très bien, c'est très bien. C'est un peu le schéma inversé, mais c'est cool. Bah, merci Benoît. Avec grand plaisir. C'était cool. Ah ouais. Merci beaucoup. Tchac. Putain, qu'est-ce que t'es sérieux. Bah ouais, attends, j'ai bien préparé, hein. Ah ouais. C'est cool que tu fasses ça, c'est vraiment bien. Ouais, j'aime bien.